Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la filière de l'amiante au Québec. Je t'inquiète un peu pour l'avenir. Et puis, je sais pas ce que je vais faire. Je suis rendu à mon âge, 59 ans. Là, on peut plus se placer à nulle part. Ce travailleur de Thetford Mines est encore sous le choc quand il accorde cette entrevue le 3 octobre 1975. Il a appris le matin même qu'il souffrait d'amiantose. L'amiantose, c'est cette maladie pulmonaire chronique qui est en quelque sorte au cœur de cette histoire de l'amiante. Il y a un avant et un après amiantose. L'avant, c'est l'histoire d'une industrie prospère qui fournit des emplois payants à ses travailleurs. L'après, c'est l'histoire de ces mêmes travailleurs qui meurent d'avoir respiré trop de poussière d'amiante. L'histoire aussi d'une industrie en déclin qui vend un produit dont plus personne ne veut. Il y a 100 ans maintenant qu'on extrait l'amiante au Québec. Les importants gisements découverts dans les cantons de l'Est ont radicalement mis fin à la vocation forestière de toute une région qui n'est de plus en plus que trous et bosses autour de petites villes. Ce minerai miracle s'appelle l'or blanc. Sa fibre peut se tisser comme du chanvre et son nom, qui vient du grec, indique sa principale qualité. Il est incorruptible et le feu ne l'atteint pas. Il y a bien 400 millions d'années que les dieux ont déposé ici cette roche précieuse à la surface savonneuse. C'est une variété de serpentine. Les caprices du hasard et les mouvements de la croûte terrestre lui ont donné une qualité exceptionnelle. L'amiante québécois est renommée. Extrait d'un reportage de Guy Lamarche sur l'histoire de l'amiante, diffusé à l'émission ce soir le 2 juillet 1981. Pour retracer cette histoire de l'amiante au Québec, je reçois l'historien Jean-François Nadeau, qui est journaliste également au Devoir. Jean-François Nadeau, bonjour. Bonjour. Quand commence donc, Guy Lamarche l'évoque un peu, là, c'est à la fin du 19e siècle, mais ça commence quand, cette fameuse histoire de l'amiante au Québec? Ben, c'est pas une région qui est très prisée par les colons, hein. Ça, y a pas beaucoup de monde qui sont là, mais les quelques cantons colons. De l'Est. Oui, c'est ça. Pris entre Québec et les cantons de l'Est, en quelque sorte. Oui. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ignorent pourtant la présence de cette fibre blanche-là. On ne sait pas exactement ce que c'est, on ne sait pas ce que ça fait. Et c'est, enfin, on croit que c'est un mineur d'ardoise gallois, Evan Williams, qui en visite chez ses parents, identifie l'affaire formellement, oui, en disant, bon, c'est une fibre d'amiante, on en importait jusque-là notamment d'Italie, pour différents besoins. Ça va servir à toutes sortes de choses très rapidement parce que on l'apprécie beaucoup. Les insectes s'en méfient, les rongeurs s'y attaquent pas, ça résiste au feu, ouais, jusqu'à 500 degrés Celsius. On peut faire, bien sûr, de l'isolant avec, on peut isoler des tuyaux, on peut isoler des maisons aussi. La fibre est utilisée dans une quantité de produits dont l'usage ira croissant avec le temps. Donc, à partir de 1877, il y a une mine, la mine Johnson, qui, bon an, mal an, a réussi à extraire à peu près 50 tonnes de minerais par année. C'est très peu. Il y a des mines qui vont se développer à Thetford, à Coleraine, à Wolfe, à East Broughton. Et on a oublié un peu aujourd'hui, mais on extrait aussi de la chromite, qui est un matériel ferreux aussi, mm-hmm, qu'on peut utiliser à cette époque-là. Mais c'est surtout l'amiante, bien sûr, qui fait la particularité de la région. Et au début, la région est si mal desservie qu'on doit extraire tout ça avec des chevaux. Et c'est à dos de cheval qu'on va rallier les points d'embarquement, en hiver comme en été, jusqu'à ce que, très rapidement, on conçoive que le chemin de fer doit passer là. C'est-à-dire, ouais, que la région se structure entièrement autour de cette richesse-là. La ville elle-même se décline en fonction de cette industrie-là. La ville de Thetford Mines, Thetford, va en bonne partie être complètement ravagée à plusieurs reprises. Le centre-ville, mm-hmm, va être réduit en cendres à plusieurs reprises parce que on doit agrandir la mine et il y aura les magasins de la compagnie, l'hôtel de ville qui est structuré beaucoup plus tard, mais, oui, les soins de santé aussi dépendent aussi des compagnies qui sont là. Donc, à partir de 1879, le train est là. Ça explose. Ça explose, oui. Ça explose. Un riche agriculteur du coin, le monsieur Jeffrey, investit ses épargnes là-dedans. On va avoir la mine Jeffrey bientôt. Monsieur Manville du Milwaukee, du Wisconsin, des dirigeants dirigeants, les deux frères de la compagnie Manville vont développer donc des isolants de laine brute pour leur tuyauterie avec la fibre d'amiante aussi. Alors là, c'est parti. Oui. Là, c'est parti. En gros, on extrait le minerai, mais sur le plan économique, il y a très, très peu de transformation qui se fait ici, Jean-François. C'est de la main... Essentiellement, les propriétaires viennent du monde anglo-saxon. La main-d'œuvre est essentiellement une main-d'œuvre francophone. Ce sont des Canadiens français pour la plupart. À partir de 1945, la transformation au Québec emploie seulement 1600 personnes. Donc, l'usage qu'on peut en faire, que ce soit dans les freins automobiles ou de la tuyauterie ou des matériaux d'isolation, tandis qu'aux États-Unis, il y a 90 000 personnes qui travaillent là-dessus et 110 000 en Europe aussi. Il faut dire que le Québec devient bien sûr un des principaux centres d'extraction de cette fibre-là, mais on en trouve aussi beaucoup au Brésil, en Afrique du Sud, au Zimbabwe, où les coûts de main-d'œuvre sont parfois beaucoup moins importants. Donc, il y a une concurrence farouche qui est là à partir de très, très tôt dans l'histoire. Puis les accidents aussi font partie de cette histoire-là. Oui. Et la question de la santé, en fait, qui très assez tôt, en fait, arrive ce point. En 1948, de fait, il y a cette petite bombe qui éclate. On découvre que l'amiante tue ses travailleurs. Oui, on le savait déjà d'une certaine façon. Il y a déjà des rapports qui indiquent ça. Mais en 1948, la revue des Jésuites, Relations, qui existe toujours, publie un dossier de Burton Ledoux. Qui s'appelle le dossier silicose. La silicose, les mines de silicose qui existent aussi, produisent aussi cette poussière. C'est du même type que l'amiante en termes de maladies respiratoires. Et là, ça va être un coup de tonnerre absolument épouvantable. Les compagnies d'amiante ne supportent absolument pas ce rapport dévastateur. On dit, il y a des ouvriers qui meurent, dans la fleur de l'âge. Ils vont évoquer une liste d'une cinquantaine de travailleurs qui sont décédés entre 1933 et 1947 directement de cette maladie-là. La compagnie demande à Relations, à la revue, de se rétracter. Et la revue est dirigée par des jésuites. Ils menacent les jésuites de poursuite. Évidemment, c'est pas un univers qui plaît tellement à l'Église. Monseigneur Joseph Charbonneau s'en mêle, décide de prendre en tête le dossier, mais l'Église va l'évincer littéralement. On va envoyer tout ce monde-là et déporter idéologiquement et physiquement d'une certaine façon, puisqu'on les envoie au loin. Et la nouvelle direction qu'on place de relations, qui est beaucoup plus conservatrice, beaucoup plus calme, beaucoup plus soumise, va même publier un avis disant, écoutez, on s'excuse. Ah, ils vont se dédire alors qu'ils sont exactement dans la vérité. Ouais. Mais ça commence quand même à chauffer, déjà sur le plan de l'impact sur la santé des travailleurs de l'amiante, provoqué par l'exploitation de l'amiante. Et puis, il y a l'année d'après, puis il y a un lien quand même, parce qu'il y a une augmentation salariale en jeu, mais il y a plus que ça. Il y a ces préoccupations de santé. Il y a, dans la foulée de cette découverte sur l'impact de l'amiante sur la santé des hommes qui y travaillent, le déclenchement d'une grève, la fameuse grève de l'amiante en février 49. Quel est l'enjeu de cette grève-là pour les travailleurs? Il faut dire tout d'abord qu'il y en a eu beaucoup, Jacques, des grèves auparavant, et elles sont jugées moins importantes dans l'histoire puisque celle-là elle va servir de plateforme un peu pour analyser la société québécoise. Mais il y en a pendant la guerre où, sur le motif de la guerre, on a baissé le salaire des travailleurs. Les ouvriers vont demander à ce que ça revienne. En 1942, il y en a aussi. Il va y en avoir en 1975. Il y a beaucoup de grèves. Aussi pour des questions d'accidents. On parle beaucoup de maladies, mais en 1912, il y a deux morts. En 1913, deux blessés graves. Plusieurs morts en 1929. Sept mineurs en 1938 qui sont pris sous des décombres parce que les conditions de travail sont évidemment très importantes. Et là, lorsque cette grève éclate, la grève de l'amiante qu'on trouve dans tous les manuels d'histoire désormais, celle-ci en particulier, c'est parce qu'elle illustre en bonne partie aussi le rapport entre la société québécoise, ses élites, comme on les appelle, le clergé, le système d'entreprise, les patrons et, bien sûr, le monde politique par rapport aux ouvriers qui sont là. Ouais. Alors qu'il y a une espèce de consortium, un pacte très fort entre cette espèce d'élite-là contre les conditions des ouvriers en faveur très souvent des compagnies américaines. Et il y a un gouvernement en place, qui est le gouvernement Duplessis, qui a une vision très particulière des relations de travail et de la gestion des ressources naturelles. Puis c'est ça que va montrer vraiment au grand jour cette grève de l'amiante. C'est peut-être aussi parce que pour la première fois, il y a vraiment un réel affrontement, Jean-François Nadeau, sur le plan idéologique entre les forces progressistes du Québec et ce régime très conservateur de Maurice Duplessis. Mais ces affrontements-là, puis on va y revenir à ça, il y aura un livre de Trudeau publié quelques années plus tard, l'affrontement politique, idéologique s'accompagne d'affrontements réels très violent sur le terrain. Oh oui. On écoute Rodolphe Hamel, qui est président à l'époque, qui est président du syndicat national de l'amiante d'asbestos lors de la guerre de 49. On l'écoute donc témoigner de tout ça à l'émission « Ce n'était qu'un début » en 1974. On était prêts à mourir ici. Ils ont téléphoné à Sherbrooke en disant qu'ils montaient ici de la police provinciale, 200 polices provinciales qui montaient armées jusqu'aux dents. Et puis le chef Beauregard a téléphoné ici, il a téléphoné au presbytère, puis il a téléphoné à l'arrivée. Pour leur dire ici qu'il y avait l'autorité puis qu'il y avait le commandement de tirer. Il fallait absolument que les gars s'en aillent dans chacun de leurs chez eux. Vous aviez un lot de police provinciale, vous aviez un lot de lutteurs qui sont venus ici pour aider à battre nos gars ici. Puis qu'est-ce que c'est qu'on leur disait, les gars, pendant qu'on les battait? Ils disaient aux gars, là, vas-tu retourner travailler, maudite chienne? Ça, c'était le terme qu'ils employaient après les avoir battus comme il faut, là. Vas-tu retourner à ta job travailler, maudite chienne? Ça, c'était la chose, là. Ces gars-là étaient tous sous l'influence de la boisson. Ça sentait rien que la boisson, ça, là-dedans. Puis j'ai vu assez de témoignages qui nous ont dit ça au procès quand on a poursuivi les policiers provinciaux. C'était une maudite gang de saoulons qui étaient là, à moitié habillés pour effrayer les gars, pas de chemise, puis qui déchiraient la face de tous nos grévistes. Tout le corps plein de sang, ça c'était la façon dont on a été traité par le gouvernement Duplessis, puis ça, ça a été la façon qu'on a été traité par la police provinciale. Ça a été très, très dur, Jean-François Oui, Nadeau. Il a raison. Hein? On a des photos, on a des témoignages, on voit les procès à Sherbrooke qui reprennent ça. Tout ça parce qu'on demande 15 sous d'augmentation de l'heure, de meilleures conditions pour que la poussière soit rabattue. On demande aussi la création d'un fonds de sécurité sociale. Et Duplessis, le régime Duplessis considère, on est dans l'époque du macartisme, la peur du communisme, on considère que toute revendication sociale, y compris les plus simples qui relèvent de l'organisation syndicale, sont dangereuses, menacent l'ordre établi. Alors, on y va, mais c'est sans quartier. Et là, il y a plusieurs figures, évidemment, qui trouvent en cette grève-là un cas, une figure de synthèse absolument extraordinaire. Voici ce qu'est ce régime, voici ce qu'il fait et voici ce qu'il symbolise d'une certaine façon. Un régime qui donne, hein, on revient toujours à cette image, mais qui donne notre minerai, nos ressources naturelles aux étrangers et qui s'occupe absolument pas du sort des travailleurs. C'était ça, au fond. Oui. Alors, on a Gérard Pelletier au Devoir, qui est journaliste à ce moment-là, mais qui est le cofondateur de Cité Libre, avec Pierre-Éliott Trudeau, qui va couvrir cette grève-là. Pierre-Éliott Trudeau s'y rend aussi. Il fait assez rire, d'ailleurs, parce que, bon, il est un peu dilettante. Il s'y présente en culotte courte, ce qui est une façon un peu particulière à l'époque d'envisager des grèves et des conflits sociaux. Et puis, ben après, il part. Il s'en va faire du canot un peu partout. Il se promène un peu à travers le monde. Donc, il oublie un peu ça. Gérard Filion aussi, qui est le directeur du Devoir, qui va traiter plus tard un éditorial Duplessis de fumier. Alors, ça joue... Marchand. Oui, Marchand. Jean Marchand, qui va être plus tard avec Trudeau, avec Pelletier. Il va former ce qu'on appelle les trois colombes. Ce sont les trois Canadiens-Français qui vont représenter, au fond, les idées de Trudeau. C'est un tremplin, C'est une prise de conscience, en tout cas. Ils sont tous déjà très conscientisés de ce qu'est la société, de ce que ça représente aussi, cette période du duplessisme-là, de ce que doivent subir les travailleurs au nom d'un nationalisme ultra-conservateur qui défend une conception absolument figée de la société à l'égard de ses élites. Alors, il y a ça qui est important. Et cette grève, au fond, n'acquiert son importance parce que toutes les grèves sont très dures. Les grèves dont je vous ai un peu parlé précédemment, très rapidement, dans le même lieu, sont aussi très difficiles. Mais celle-là acquiert ses lettres de noblesse en partie à cause d'un livre universitaire qui est paru en 1956 aux presses de cette revue qui s'appelle Cité libre, qui est coordonné par Pierre-Éliott Trudeau, dans lequel tous les intellectuels du temps, tous les universitaires, les sociologues, les politologues, les juristes s'incarnent pour faire de cet événement-là une prise de conscience, une sorte de réflexion. Évidemment, Trudeau gagnant en popularité, devenant une figure de l'histoire absolument incontournable, le livre va être réédité plus tard. Et il y a aussi un effet a posteriori où on replonge dans cette grève-là parce que cette personnalité-là en a parlé. Mais c'est important. Le livre va avoir un impact considérable. Puis au fond, il y a quelque chose d'un peu contradictoire, Jean-François Nadeau. On peut même se demander si le livre, finalement, publié en 1956 par Trudeau, La grève de l'amiante, et pas dans l'impact historique qu'il aura, plus important que la grève elle-même. C'est un peu fou, mais c'est ça. Il y a une stimulation des idées. C'est une étincelle sur ce qui suivra. Évidemment, c'est le travail des historiens, hein, de reconstruire l'histoire, de l'analyser. Ça prend des événements qui sont symboliques de quelque chose. Cet événement-là le sera. Ça aurait peut-être pu être la grève de Dupuis-Frère, ça aurait pu être peut-être d'autres événements, mais c'est ce catalyseur-là que vont utiliser ces gens-là. C'est étonnant, d'ailleurs, Trudeau remet sans cesse la publication du livre, il est parti, il ne peut pas, il ne coordonne pas. Il y a beaucoup de problèmes d'écriture aussi, c'est quelqu'un qui est très inquiet. Donc, c'est beaucoup d'années plus tard, au fond, qu'on revient sur cette grève-là et qu'on la magnifie d'une certaine façon. Début des années 70, c'est vraiment l'âge d'or de l'amiante. C'est une fibre magique, un minerai magique. On produit tout à partir d'amiante. La culture s'empare de cet imaginaire de l'amiante. C'est vraiment les belles années, là, les années 70. Chiffres aussi d'exploitation sont fous. Oui, il y avait déjà eu Poussière sur la ville, grand roman d'André Langevin, formidable romancier qui donne lieu à une adaptation dans un film d'Arthur Lamotte, où Guy Sanche, hein, qu'on connaît pour avoir joué Bobino pendant tant d'années. Moi, Guy Sanche est associé, bien sûr, dans ma génération, à la figure de Bobino, qui est dans le rôle titre. On avait aussi Le feu dans l'amiante de Jean-Jules Richard, qui, lui, après avoir écrit un livre sur la Seconde Guerre mondiale, reprend exactement la même trame. C'est un affrontement guerrier qui se joue sur l'univers de l'amiante. Alors, bien sûr, c'est rentré dans la conscience populaire. Tout le monde en veut. Moi, je me souviens, petit, de visiter cette mine-là. On est fasciné par les camions qui transportent 100 tonnes. C'est un produit magique. C'est un produit magique. Il y a même un gars qui s'appelait Sylvain Parère, qui est toujours là, j'imagine, qui avait développé un papier qui ne brûlait pas pour les archives. Hein? Donc, pour un historien, ça avait quelque chose d'absolument fabuleux. Ouais. Vous pouvez brûler vos archives, elles vont rester là. Le Parti québécois, sous l'impulsion de René Lévesque, va penser que c'est une bonne idée de nationaliser ça. Tellement ça a la cote. Oui, Lévesque avait déjà nationalisé l'électricité. Hein? Puis on le sent, ça. Vous allez l'entendre dans un discours de René Lévesque en 75, un an avant qu'il prenne le pouvoir, en novembre 76. Il est à Black Lake devant des travailleurs en grève, des travailleurs de l'amiante. Puis c'est vrai qu'en écoutant cet extrait, il leur dit ce qu'il veut faire. Il veut nationaliser ce secteur-là. On entend en presse le Lévesque qui parle d'Hydro-Québec. On est venu vous dire, en fin de compte aussi, qu'il n'y a pas de raison qu'on continue à taponner indéfiniment en laissant 6 compagnies américaines puis une compagnie britannique exploiter à volonté dans le mystère le plus profond la plupart du temps des richesses qui nous appartiennent, de ne pas faire de rapport sur leurs opérations, de ne pas nous dire exactement comment ils jouent entre les filiales qui sont ici puis les compagnies mères de l'étranger, puis que la façon de régler ça, c'est de s'en débarrasser de ces compagnies. Puis on peut le faire. C'est incroyable. Ouais, quel élan quand même. Ouais. On imagine mal un politicien aujourd'hui parler comme ça. Sur le fond, il n'y a pas tort. Ouais. Hein? Sur le fond, c'est l'obscurité la plus totale de ce qui se passe. Que veut le Parti québécois dans ce secteur de l'amiante? Il veut en faire profiter la population. Il espère, dans une large mesure, qu'il va pouvoir bénéficier de redevances qui sont intéressantes. Donc, il va dépenser beaucoup d'argent. On ne sait pas combien de millions aujourd'hui ont été investis là-dedans en pure perte. Ça serait difficile. Parce que le marché va s'effondrer. À partir du début des années 80, on voit très bien que il n'y a plus d'avenir pour cette fibre qui est condamnée à disparaître. À cause des préoccupations de santé. Oui, des préoccupations de santé. Même en 1982, se tient à Montréal un grand symposium mondial où tous les experts du monde s'entendent pour dire qu'il y a un véritable danger là. À partir de 2005, et ça se prépare de longue date, l'Union européenne a banni littéralement l'usage de cette fibre-là. On a des statistiques un peu partout, en Europe, aux États-Unis, du nombre de morts qui ne cesse de croître, parce que vous êtes, dès le moment où vous êtes exposé à cette fibre-là, 10 ans ou 20 ans plus tard, il y a des risques pour développer cette maladie-là qui n'est pas immédiate et c'est irrémédiable. On ne peut pas revenir en arrière. Ce qui fait que ce secteur-là, il n'en reste plus grand-chose aujourd'hui. Puis les gouvernements, ce sera long, ce lâcher prise, parce que ces études se succèdent et se multiplient depuis déjà longtemps. Mais il y a une population qui continue d'en vivre. Ça va être long, le détachement là, du secteur de l'amiante au Québec. Ben oui, évidemment. Puis on voit aussi la douleur que ça peut représenter. Quand de génération en génération, on a travaillé là-dedans, qu'on a vu le paysage se modifier, qu'on a vu ses maisons, les maisons de son enfance, les maisons de son voisinage être détruites au profit de l'expansion de la mine, quand pendant tant d'années, on a été obligé même de dépenser son argent dans les magasins de la mine, ce qui est le cas pendant très, très longtemps. Là, vous êtes dans un système de dépendance qui a plus de 100 ans, puis tout d'un coup, on vous dit, ça fonctionne plus. Ça, on vous tire littéralement le sol dessous les pieds. Où en sommes-nous collectivement aujourd'hui avec cette filière de l'amiante au Québec? Je vous propose un dernier extrait, Jean-François Nadeau. Écoutez bien ça, c'est assez fascinant. Extrait d'un reportage de Chantal Lavigne diffusé à l'émission Dimanche Magazine en mai 2005. À ce moment-là, Jean-Philippe Bachand, que vous allez entendre, qui est président de la Chambre de commerce d'Asbestos, veut que l'on change le nom de la ville. Et après M. Bachand, vous entendez la réplique de Pierrette Théroux de la Société d'histoire d'Asbestos. Il y a quelques mois, on a une entreprise qui n'est pas venue s'installer à cause que c'est une entreprise qui exportait. Et le mot asbestos sur la facturation, écoutez, dès qu'on s'en va aux États-Unis, asbestos, c'est amiante. Alors, malheureusement, on l'a perdu, cette entreprise-là. Elle vous a dit que c'était pour ça? Bien, c'est une des raisons. Parlez-en à ceux qui voyagent moindrement. Dès qu'on traverse la frontière, c'est pas évident. Ils disent, what the front, tu sais, asbestos, ils ont peur. Ils ont peur, ils pensent que c'est un poison. L'Institut national de l'amiante, ils ont changé de nom. Il s'appelle maintenant l'Institut national du chrysotile. Donc, asbestos, amiante, c'est même plus de l'amiante, c'est du chrysotile. C'est correct. Le cégep de l'amiante s'est rendu le cégep de Thetford. Ensuite de ça, la commission scolaire de l'amiante s'est rendue la commission scolaire des Appalaches. Ce sont nos racines. C'est quand même, je suis d'accord que ça signifie amiante, mais c'est quand même ce qui a donné naissance à la ville. S'il n'y avait pas eu quelqu'un qui a trouvé du minerai d'amiante à un moment donné, puis quelqu'un d'autre qui a décidé de l'exploiter, ben ça n'existerait pas. Puis ce qui me fait le plus de peine, c'est que les gens qui proposent ça, là, c'est des gens qui sont natifs d'ici. Puis je me dis, en quelque part, on a dû manquer notre coup. Là, on leur a pas assez bien montré leur histoire ou ils n'ont pas voulu l'apprendre, un des deux. C'est fascinant ce qu'on vient d'entendre. On en est où? C'est une vraie question, Jean-François Nadeau, avec l'histoire de l'amiante au Québec. Il faut dire que l'amiantose dont on parle ici, partout ailleurs, on l'appelle l'asbestose. Alors, cette ville-là est frappée, évidemment, d'un malheur incroyable. Elle est victime de son succès. C'est un ricochet absolument incroyable. Donc, il y a une histoire des travailleurs de cette industrie-là qui est à faire en bonne partie. Elle a été faite déjà en partie aussi. Beaucoup de travaux ont été écrits là-dessus, mais ça reste évidemment un marqueur social absolument important. La crise de l'amiante, ne serait-ce que pour la grève. Un échec, au fond. Un échec qui a été longtemps un succès, oui. Mais un succès qui a profité aux autres, en bonne partie. L'essentiel de l'argent qui a été fait là a enrichi des compagnies étrangères dans une large mesure, comme René Lévesque le signalait à juste titre, bien sûr. Mais c'est trop tard qu'on a pris les moyens pour le récupérer. On était 100 ans trop tard. On a récolté que les mauvais côtés, finalement. La poussière. Voilà. Incroyable. Jean-François Nadeau, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jacques. Jean-François Nadeau, historien, ami de l'émission, journaliste au Devoir. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, stagiaire à la recherche Antoine Gauthier-Trépanier, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Martin Lavoie. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.